Chapitre 18e. Il était parti depuis un instant déjà, et Julia continuait de garder le silence. Bibert, silencieux aussi, retiré dans un coin du salon, l'observait attentivement. On aurait dit qu'il essayait de deviner ses pensées, de lire dans son cœur, et qu'il souffrait des découvertes que cette étude lui permettait de faire. Cette souffrance devint même probablement trop vive, car tout à coup il se leva, passa la main sur son front et s'avançant vers Julia. « Eh bien ?» lui demanda-t-il brusquement. Elle se redressa, le regarda et dit « Ah, pardon, monsieur, je ne vous savais pas là. »« Je m'en doutais, » répliqua Bibert avec une sorte d'amertume qu'il ne put cacher. « Je ne suis plus rien ici, moi, depuis qu'on n'a plus besoin de mes services, depuis qu'on fait ses affaires soi-même. » Il s'arrêta et reprit plus doucement. « Au moins, est-il résulté quelque chose de ce long entretien ?»« Non, » fit-elle. « Vous n'êtes pas plus avancé qu'auparavant ?»« Non. » « Alors c'est à recommencer ?»« Non, » dit-elle encore. Étonnée de cette dernière réponse, il la questionnait du regard, lorsque tout à coup, elle quitta la cheminée, s'avança vers Bibert et lui dit « Savez-vous que ce que nous faisons là est infâme ?»« Pourquoi ? » demanda-t-il. « Parce qu'il m'aime et qu'il souffre. »« Ah, vraiment ?» s'écria l'agent de police, non moins ému que Julia. « Il vous aime ? Il vient de vous le dire ?»« Oui. » « Et vous le croyez ?»« Je le crois. » Il croisa ses bras sur sa poitrine, s'avança vers elle comme elle s'était avancée vers lui, et dit brusquement « Eh bien, qu'est-ce qui vous gêne ?»« Je n'ai pas le droit de le faire souffrir ainsi, » répondit-elle. Il la regarda fixement et répliqua à voix basse avec dureté « Croyez-vous vraiment n'avoir pas ce droit vis-à-vis d'un homme qui a tué votre mari ?»« Mais s'il ne l'a pas tué ?»« Ah, vous doutez maintenant ?»« Oui, je doute, » fit-elle en baissant la tête, comme si elle rougissait de sa faiblesse. « Lorsqu'il n'est pas là, » continua-t-elle, « lorsque je suis seule avec mes pensées, il me semble encore qu'il est coupable. Comme autrefois, je veux me venger de lui, mais lorsqu'il est à mes côtés, je ne crois plus, je doute. » Pâle, les lèvres serrées, il l'écouta sans l'interrompre, puis il lui dit « Il faut sortir de toutes ces incertitudes, cela ne peut plus durer. »« Non, » répéta-t-elle, « cela ne peut plus durer. Il faut, » reprit Bibert, « qu'il nous donne, une fois pour toutes, la preuve de son innocence, et alors ma tâche sera accomplie. Je retournerai à mes occupations, je n'aurai plus rien à faire ici. » Il parlait avec brusquerie, presque avec emportement, mais Julia était trop émue pour remarquer ce qu'il y avait d'étrange dans cette animation, dans ces allures que rien ne semblait justifier. « Si, au contraire, continua-t-il, Savary est coupable, comme je le crois encore, moi, comme j'en suis sûr, moi, il faut qu'il se livre. » Il faut que nous nous en débarrassions. » Ces derniers mots, « il faut que nous nous en débarrassions », furent prononcés par l'agent de police d'une façon singulière. Mais il les murmura sans doute plus qu'il ne les dit, car Madame Vidal, au lieu de les remarquer et de les relever, ne répondit qu'à la première partie de la phrase. « Il ne suffit pas, s'écria-t-elle, de dire, il faut qu'il se livre. Quels moyens avons-nous de le faire se livrer ?»« Je les apporte, » dit Vibert, en tirant de sa poche un objet long, étroit, entouré de papier. Et comme, étonné, elle le regardait, il lui demanda brusquement, sans aucun déménagement qu'il aurait dû prendre en pareille circonstance, « Savez-vous, madame, de quelle arme s'est servi l'assassin de votre mari ?» Elle pâlit et répondit, « D'un couteau ou d'un poignard ?»« D'un couteau, en effet, d'un couteau que vous connaissez, car il appartenait à M. Vidal. » « Si vous ne l'avez pas retrouvé chez vous, c'est que la justice s'en était emparée comme pièce de conviction. »« Et ce couteau » demanda-t-elle en pâlissant encore davantage et en jetant les yeux sur l'objet que Vibert tenait à la main. « Le greffier du palais de justice, » répondit-il, « a été autorisé, sur ma demande, à me le confier. Le voici. » Elle se recula et dit, « Qu'en ferez-vous ? » « Je le mettrai dans les mains de Savary, et peut-être cette vue se trahira-t-il. Vous ne voudrez sans doute pas assister à cette expérience. » « Au contraire, j'y assisterai, je veux y assister, » reprit-elle avec énergie. « C'est mon devoir. Je compte la tenter ce soir même. »« Ce soir, bien. » »« Mais, continua-t-elle, comment s'expliquera-t-il que cet instrument se trouve entre vos mains ? Le lui montrer, c'est vous trahir, c'est nous trahir tous les deux. »« Non, pas autant que vous croyez. J'ai prévu cela. Je sais ce que je dirai. » Puis, s'écria tout à coup Vibert avec vivacité, « qu'importe qu'il sache maintenant qui vous êtes, qui nous sommes. N'êtes-vous pas décidé à sortir de la situation où vous vous trouvez ? N'ai-je pas déclaré que cette expérience était la dernière ? S'il en sort victorieux, Si son innocence vous est démontrée, continuerez-vous donc à le recevoir et désirez-vous faire de lui votre ami ? Non, certes, s'écria-t-elle. Si au contraire, cette expérience vous convainc et vous suffit, qu'importe encore qu'il le connaisse ? Ah, je vous jure bien qu'alors il est perdu. Rien ne peut rendre l'expression avec laquelle l'agent de police prononça cette phrase. Il y avait à la fois dans son accent de la colère, de la haine et de la souffrance. Julia fut effrayée, et pour la première fois peut-être, elle songea à regarder Vibert. Ils se quittèrent, après s'être donné rendez-vous pour le soir même, au café anglais.